Nous pas si buzz, pas si tic encore. Laissez la fête Fiji, moi yo pas content. La mette yo même, j'ai trop déçu. Moi m'en dans le sud, kamene jet ski. Kamene jet ski, kamene jet ski, kamene jet ski, kamene jet ski. Yo en bas, c'est nous, nous en led loup. Kamene jet ski, kamene jet ski. Bad boy. Bra, bra, bra, aïe, bra, bra, bra. Nous c'est la plata, da la plata, da la plata, da la plata. Yo ga bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Nous c'est la plata, da la plata, da la plata, da la plata. Yo ga bra, bra, bra, aïe, bra, bra, bra. Bra, bra, bra, aïe, bra, bra, bra. Yo ga bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Bla bla bla bla bla. Papa pa pour un seul bout, c'est que nous quoi pop pop. T'as que nous hop top, yo que toujours fuck up. Mettez un don pair, oui, au fond nos cop cop. Nous j'allais swear, mais au fond nos blocs. Mama si t'as sous shot et cop top. Mama si t'as sous shot et cop top. Y pas pour d'autres, nous des salocs top. Y ka push back son well, y pas qu'à boycott. Y pas qu'à boycott, y pas qu'à boycott, y pas qu'à boycott, y pas qu'à boycott. Y pas pour d'autres, nous des salocs top. Y ka push back son well, y pas qu'à boycott. Bla bla bla hey, bla bla bla, nous c'est la plata, da la plata, da la plata, da la plata. Yo ga bla bla bla bla bla bla bla, nous c'est la plata, da la plata, da la plata, da la plata. Cocaïne dans toilette, café ski. Combien pilule, yo ga pète. Cocaïne dans toilette, café ski. Ça c'est problème, yo pas. Nous pas si buzz, pas si tic encore. Laissez la fête Fiji, moi yo pas content. La matin yo même, j'ai trop déçu. Moi m'en dans le sud, kamene jet ski. Kamene jet ski, kamene jet ski, kamene jet ski, kamene jet ski. Yo en bas, c'est nous, nous en led loup. Kamene jet ski. Kamene jet ski. Bra bra bra aïe, bra bra bra. Nous c'est la plata, da la plata, da la plata, da la plata. Yo ga bra bra bra bra bra bra bra. Nous c'est la plata, da la plata, da la plata, da la plata. Yo ga bra bra bra aïe, bra bra bra. Bra bra bra aïe, bra bra bra. Yo ga bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra. Nous pas si buzz, pas si tic encore. Laissez la fête Fiji, moi yo pas content. La mette yo même, j'ai trop déçu. Moi m'en dans le sud, kamene jet ski. Kamene jet ski, kamene jet ski, kamene jet ski, kamene jet ski. Yo en bas, c'est nous, nous en led loup. Kamene jet ski, kamene jet ski. Tiki tiki tiki tiki.